Section 70 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 2e. L'Europe féodale, les croisades, 1095-1270. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 14, deuxième partie, les Tchèques, par Ernest Denis. Plus heureux et plus sages que les Polabes, les Tchèques et les Polonais avaient accepté le christianisme. Leur conversion les protégea contre les guerres d'extermination auxquels succombèrent les Slaves de l'Elbe. L'écrasement des Polabes, cependant, découvrait leurs frontières, et leur division, en favorisant les influences étrangères, entraînèrent pour eux des pertes sensibles et compromirent gravement leur indépendance nationale. Le Seigneurat. Bretislav Ier, mort en 1055, avait échoué dans son projet de fonder un grand empire slave occidental. Il n'avait ni conservé la Pologne, ni secoué définitivement le joug de l'Allemagne. Et, s'il avait réuni à la Bohême la Moravie, qui, habitée par un peuple très proche parent des Tchèques, n'a pas cessé depuis lors de faire partie du royaume de Saint-Vincenslav, il n'avait pu empêcher Étienne de Hongrie d'étendre sa domination sur les Slovaques des Carpates. Parmi ses successeurs, beaucoup furent de vaillants soldats, et quelques-uns, des capitaines heureux, tel, par exemple, ce Sobieslav, qui, en 1126, écrasa à Chlum l'armée impériale et força l'empereur Lothaire de renoncer à ses ambitieuses espérances. La Bohême ne manqua même pas alors de princes remarquables et d'habiles politiques. À partir de Vratislav II, 1061-1092, les documents ne font plus aucune mention du tribut annuel que les Tchèques avaient jusqu'alors payé à l'Empire. Vladislav II, 1140-1173, prend une part glorieuse aux expéditions de Frédéric Barberousse en Italie et reçoit de l'empereur le titre de roi pour lui et ses successeurs. Succès sans lendemain, car pendant cette période, de graves changements dans la constitution politique du pays compromettent sa prospérité et son indépendance. Longtemps, en Bohême, comme dans presque tous les pays slaves, la royauté n'a été considérée que comme une propriété civile, de même nature que les autres propriétés, et dont la transmission était soumise aux mêmes lois. Tous les fils du roi ont, par conséquent, un droit égal, et ils doivent se partager son héritage. Mais ils ne sont pas les seuls autorisés à réclamer sa succession. En effet, la propriété chez les Slaves n'est pas encore individuelle. Elle est familiale, et la famille est comprise dans le sens le plus étendu. Le représentant naturel de la famille, l'administrateur du domaine commun, ce n'est pas nécessairement le fils aîné du dernier prince, mais son nania le plus âgé. Dans la pratique, rien de plus compliqué. La loi paraissait calculée pour provoquer les compétitions et empêcher l'établissement d'un pouvoir régulier. De fait, les Slaves n'arrivèrent à se constituer que lorsqu'ils se furent affranchis d'une tradition contraire à toutes les conditions d'un gouvernement stable. Bretislav Ier, mourant, avait essayé de prévenir les compétitions qu'il prévoyait en fixant les règles de la succession au trône. S'inspirant des principes universellement acceptés autour de lui, il avait institué le seigneurat et ordonné que le pouvoir suprême reviendrait toujours au représentant le plus âgé de la famille des Prémislides. 1055. Il n'avait nullement songé, d'ailleurs, à empiéter sur les droits de la nation, et la royauté garda, après comme avant lui, le caractère à la fois électif et héréditaire qu'elle avait jusqu'alors. Il ne suffisait pas cependant de définir le seigneurat pour en supprimer les dangers. Et presque chaque changement de règne devint le signal des plus redoutables complications. Les souverains, depuis le commencement du XIIe siècle en particulier, à mesure que la famille tendait à se rétrécir, essayèrent, par clairvoyance ou par ambition, de substituer l'hérédité au seigneurat. Mais ils avaient contre eux les revendications de leurs proches, la sourde résistance des peuples et l'égoïsme des nobles qui, à la faveur des querelles intestines des princes, s'arrogeaient une sorte de droit d'élection et étendaient leurs privilèges. Les guerres civiles finirent par devenir endémiques. À chaque vacance du trône, plusieurs candidats se disputaient le pouvoir par les armes, et bientôt, non contents de dépouiller la royauté de ses prérogatives les plus nécessaires par leurs imprudentes concessions à l'aristocratie, les compétiteurs appelèrent l'étranger. La suzeraineté impériale. Les empereurs allemands, encouragés par cette sorte d'abdication nationale, intervinrent plus activement dans les débats, réclamèrent le droit de disposer de la couronne, prétendirent réduire à la vassalité le royaume, qui n'était d'abord que tributaire, et voulurent ensuite l'amener aux mêmes conditions de dépendance que les grands fiefs allemands. Ils n'y réussirent jamais complètement, mais vers la fin du XIIe siècle, ils parurent toucher au but. En 1182, Frédéric Ier, Barberousse, avait détaché la Moravie de la Bohême et déclaré qu'elle relèverait directement de l'Empire. En 1187, l'évêque de Prague, reconnu prince immédiat, fut affranchi de l'autorité ducale. La Bohême, déjà séparée de son fief le plus puissant, se trouvait en quelque sorte morcelée, et le nouveau vassal de l'Empire, l'évêque de Prague, forcé pour maintenir ses prérogatives de s'appuyer sur l'autorité étrangère, devenait dans l'État un redoutable ferment de dissolution. Cet exemple ne susciterait-il pas des imitateurs? Il était permis de le redouter. En effet, les graves modifications qui avaient peu à peu miné l'ancienne constitution tchèque avaient, en favorisant les progrès de l'oligarchie, affaibli l'unité du pays et éveillé des espérances que les Allemands parurent devoir exploiter sans peine. Transformation de la société tchèque. Les compétitions des héritiers des Prémislides étaient plus âpres à mesure que l'objet du conflit semblait moins justifier la vivacité de leurs ambitions. Les chefs du XIIe siècle exerçaient une autorité forte étendue. Depuis lors, elle n'avait cessé de diminuer. Les officiers du prince, peu surveillés, abusaient de leurs fonctions, exigeaient des corvées plus lourdes et des impôts plus onéreux, trafiquaient de la justice. Contre eux, beaucoup de petits propriétaires libres cherchèrent une protection, renoncèrent à leur indépendance pour s'affranchir des vexations auxquelles les exposait leur isolement. Ils se groupèrent soit auprès des fonctionnaires eux-mêmes, qui, en échange de leur soumission, les déchargèrent d'une partie des charges communes, soit auprès des nobles dont les guerres civiles augmentaient l'influence et qui avaient usurpé ou reçu de vastes domaines. À la place de la société patriarcale de la période précédente, où la noblesse ne formait pas une caste fermée et séparée du peuple, et où personne n'exerçait d'autorité qu'au nom de la royauté, il se constitua une société aristocratique où les nobles, maîtres de propriétés fort étendues, s'interposèrent entre les sujets et le souverain, rendirent la justice sur leurs terres, entretinrent des soldats et les conduisirent à la guerre sous leur bannière. Ils acquièrent dès lors une influence prépondérante sur les affaires publiques. Si, en principe, tous les propriétaires libres continuent de paraître à la diète, la décision ne dépend en réalité que d'une poignée de seigneurs, et sans leur aveu, le roi ne peut ni réunir l'armée, ni exiger l'impôt, ni modifier la loi. Sans doute, la victoire de l'oligarchie est fort loin encore d'être complète. Malgré leurs imprudentes libéralités, les princes détiennent toujours des terres immenses, et leurs revenus, dont ils disposent sans contrôle, leur permettent aisément de se passer des subsides des États. Il n'en reste pas moins vrai qu'ils trouvent dès lors en face d'eux des adversaires redoutables, et qu'ils ont perdu la situation unique qu'ils avaient auparavant de protecteurs du peuple et de représentants de l'État. En même temps, et à mesure qu'elle triomphe des résistances païennes et reçoit une organisation plus complète, l'Église acquiert aussi des richesses et des privilèges. Les évêques, les chapitres, les monastères réussissent très vite à affranchir leurs sujets des charges publiques et de l'autorité des officiers du pays. La grande masse de la population, soustraite à l'autorité royale, est, dès ce moment, réduite à un état de dépendance qui tend, çà et là, à se rapprocher du servage. Ces usurpations de l'aristocratie furent singulièrement facilitées par le régime primitif de la propriété qui, chez les Slaves, n'appartenait qu'à la famille, de façon que les individus n'étaient qu'usufruitiers. Le seigneur se substitua sans grande peine à l'administrateur et réduisit en une demi-servitude les anciens possesseurs. Le triomphe des idées féodales fut d'ailleurs favorisé par les relations toujours plus intimes avec l'Allemagne et l'arrivée de nombreux colons étrangers. Plus sérieusement redoutable que les revendications politiques des empereurs, cette infiltration germanique allait, par malheur, être systématiquement encouragée par les princes mêmes qui, au XIIIe siècle, relevèrent la Bohême de son abaissement et la portèrent à un degré de puissance inconnu jusqu'à eux. Les Otakars. Trois souverains. Prémisse le Otakar Ier, 1192-1230. Venceslav Ier, 1230-1253. Et Prémisse le Otakar II, 1253-1278. Secouèrent le joug que les Hohenstaufen avaient réussi à imposer à la Bohême et lui assurèrent un moment une sorte d'hégémonie dans l'Europe centrale. Comme il arrive si souvent au Moyen-Âge, cet édifice de puissance et de gloire, trop rapidement élevé, repose sur des bases singulièrement fragiles. Les peuples, un moment réunis par les hasards de la guerre ou de la politique, reprennent vite leur indépendance, et le seul résultat durable de la réunion momentanée, sous les Prémislides, de la plupart des provinces qui constituèrent plus tard la monarchie autrichienne, est l'établissement d'une nouvelle dynastie allemande dans le bassin moyen du Danube. Les Habsbourg héritent, avec quelques-uns des domaines d'Otakar II, de ses ambitions, et, deux siècles plus tard, ils atteindront le but qu'il a entrevu. L'erreur des derniers rois indigènes de la Bohême, la cause profonde aussi de leur échec, fut qu'ils poursuivirent une politique dynastique et non nationale. Lorsque Prémisse Otakar Ier fit sacrer roi son fils Venceslav, on remarqua qu'on avait négligé pour la première fois de montrer au jeune prince les chaussures et le sac du laboureur Przemyśl, le fondateur de la dynastie. Le peuple s'en affligea et accusa ses souverains de renier leur passé et leur race. Nés en général de mères allemandes, les rois tchèques, à cette époque, sont eux-mêmes plus qu'à demi-allemands. Fascinés par l'éclat de la civilisation germanique, ils appellent des colons étrangers et, en leur abandonnant une partie du territoire, ils grèvent lourdement l'avenir et préparent les plus redoutables complications. L'opinion publique a gardé malgré tout une indulgente reconnaissance pour ses souverains qui eurent au moins, à défaut d'une intelligence politique supérieure, un très haut sentiment de leur dignité souveraine. Le royaume de Bohême. Malgré les efforts de Frédéric Ier et de Henri VI, les ducs de Bohême étaient encore fort loin d'être réduits à la condition de simples vassaux. Ils conservaient tous leurs droits souverains et l'empereur n'intervenait à aucun titre dans l'administration intérieure de leur domaine. La mort de Henri VI, qui marque une date fort importante dans l'histoire de l'Allemagne et même de l'Europe, permit à Vladislav III et à Prémisse Otakar Ier, 1192-1230, de restaurer l'unité nationale à un moment menacé. Les évêques de Prague et d'Olmütz reçurent leur investiture des princes du pays et cessèrent d'être les vassaux immédiats de l'Empire. La Moravie redevint un fief de la Bohême. Dans les troubles qui agitèrent l'Allemagne après la mort de Henri VI, Prémisle Otakar Ier, tour à tour ennemi et auxiliaire des papes, reçut successivement de Philippe de Souabe et d'Otto de Brunswick la couronne royale, qui, depuis lors, n'a pas cessé d'être rattachée à la Bohême. 1203. Innocent III et plus tard Frédéric II confirmèrent son titre et reconnurent la pleine indépendance du royaume tchèque. Grand échanson de l'Empire, le roi de Bohême n'eut d'autre obligation que de fournir à l'empereur 300 hommes d'armes ou de lui payer 300 marks d'argent quand il allait prendre la couronne à Rome. Il n'était tenu d'assister aux diètes que quand elles se tenaient à Nuremberg ou à Bamberg, 1212. Frédéric s'était engagé à ne pas intervenir dans la nomination des rois de Bohême. Mais ce qui plus que les traités devait empêcher désormais les usurpations impériales, c'était l'établissement de la loi de primogéniture qui s'introduisait peu à peu dans les mœurs et, sans être officiellement promulguée, allait devenir la règle et se substituer au seigneurat. Apogée de la puissance tchèque, le successeur de Prémisle, Otakar Ier, Venceslav Ier, 1230-1253, brave, aventureux, mais imprévoyant et léger, traça cependant la voie à son fils en s'efforçant de préparer la réunion de l'Autriche à la Bohême. La mort de Frédéric II en 1250 et le grand interrègne allaient permettre aux ambitions particulières de se donner carrière. Personne n'exploita la situation avec autant d'habileté et d'audace que Prémisle Otakar II. 1253-1278. La papauté, en détruisant l'Empire, avait bien mérité de tous les peuples que menaçait la prépondérance allemande. Otakar II ne lui ménageait pas sa reconnaissance, l'avertissait des projets du parti gibelin, offrait son alliance à Charles d'Anjou contre Conradin, tenait habilement la balance entre Richard de Cornouailles et Alphonse de Castille, à la double élection desquels il avait contribué, et qui se disputait assez mollement le pouvoir. Son épée était toujours au service de l'Église. À deux reprises, en 1254 et en 1267, il alla guerroyer contre les païens de Prusse et les Teutoniques, pour lui faire honneur, nommèrent Königsberg, la ville qu'ils fondèrent alors vers l'embouchure de la Pregel, 1255. Les papes ne furent pas ingrats, bénirent ses armes, sanctionnèrent ses conquêtes. Grâce à leur appui, il domina un moment tout le bassin moyen du Danube. Après l'extinction de la dynastie des Babenberg, les nobles de la marche de l'Est avaient appelé Ottakar, 1251, tandis que la Styrie revenait à Béla de Hongrie. Mécontents du gouvernement Magyar, les Styriens se révoltèrent et la guerre éclata entre Ottakar et Béla. Ottakar, diplomate fort habile, était un assez médiocre général. Mais la Hongrie était affaiblie par de longues querelles intestines. L'innombrable cavalerie des Kumans avait souvent surpris la victoire et la rapidité de leurs mouvements déconcertait toutes les prévisions. Elle ne soutint pas le choc de la lourde chevalerie tchèque hardée de fer et armée à l'allemande. À Kessenbrunn, à quelque distance de l'endroit où la Morava se jette dans le Danube, les Hongrois furent écrasés. 1260. Béla renonça à la Styrie et quelques années plus tard, il ne fut pas plus heureux quand il voulut contester au roi de Bohême la possession de la Carinthie et de la Carniole. En 1273, Ottakar était à l'apogée de sa puissance. Ses états immédiats s'étendaient des monts métalliques à l'Adriatique. Toute l'Allemagne orientale acceptait son patronage. Grâce à son alliance étroite avec la papauté, il exerçait une sorte de protectorat sur les archevêchés de Passau et de Salzbourg et sur le patriarcat d'Aquilée. Chargé par Richard de Cornouailles de protéger les domaines impériaux, il préparait l'annexion d'Eger et Gras, dont la possession lui était nécessaire pour couvrir la frontière occidentale de la Bohême. Uni par des liens étroits de parenté à quelques-uns des princes les plus puissants de l'époque, il avait l'espérance de mettre un de ses protégés sur le trône de Hongrie. Les Tatars le nommaient le roi de fer et les Allemands le roi d'or. L'immigration allemande. Pieux sans faiblesse, généreux et magnifique, mais attentif à ménager ses revenus, doux au peuple et jaloux de son autorité, Ottakar s'appliquait à développer la civilisation et à rendre à la royauté la puissance qu'elle avait perdue pendant les troubles précédents. Pour combattre la noblesse et pour hâter le développement économique de la Bohême, il s'appuya sur les Allemands. Depuis que l'invasion magyare avait séparé les Slaves occidentaux des Slaves méridionaux, la Bohême, tout en défendant contre les empereurs son indépendance politique, avait subi sans résistance l'influence germanique. Quelle qu'ait été la part de Cyril et de méthode dans la conversion des Tchèques, ils s'étaient bientôt rattachés à l'Église romaine. Pendant longtemps, les évêques furent des Allemands, et le clergé séculier ou régulier se recruta en Allemagne. Les relations politiques, les croisades, les mariages toujours plus fréquents des souverains avec des princesses allemandes facilitèrent l'introduction des mœurs étrangères. À une époque où le sentiment national était encore incertain et vague, le charme d'une civilisation plus avancée exerçait un prestige irrésistible. Les nobles comme les rois apprirent la langue allemande, adoptèrent les goûts, le costume et jusqu'au nom de leurs voisins. L'élément étranger se développa surtout rapidement depuis le début du XIIIe siècle, grâce à l'appui systématique que lui prêtèrent les derniers prémislides. La cour de Prague devint une cour allemande, les plus célèbres Minensinger briguèrent les faveurs de Wenceslas Ier ou d'Ottakar II et leur dédièrent leurs vers. De très bonne heure, quelques marchands étrangers s'étaient établis dans le pays. Dès la fin du XIe siècle, Cosmas nous parle de très riches marchands de toutes nations qui, au pied du château de Prague et dans le bourg du Wichenrad, habitent à côté de juifs tout pleins d'or et d'argent et de monnayeurs opulents. D'autres centres commerciaux ou industriels se créèrent près des anciens châteaux, reçurent bientôt divers privilèges, commencèrent à s'entourer de murailles pour se défendre contre les vexations des officiers du pays. Inquiets des progrès de la noblesse et désireux d'augmenter leurs revenus, les rois appelèrent de nouveaux colons, leur accordèrent d'importantes immunités. Wenceslas Ier surtout, le véritable fondateur de la vieille ville de Prague, après 1235, et Ottakar II, les progrès de la richesse publique, la sécurité plus grande en développant les échanges attirent alors de nombreux marchands. Les anciens bourgs se transforment et croissent en importance et en dignité. Aux villes royales d'Olmutz, de Brune, Brno, de Zinam, de Kaldrau et de Königin Grätz, qui existent déjà sous Ottakar Ier, s'ajoutent, sous Venceslav, Komotau, Yetmeritz et Saz, peut-être Psen, Mielnik, Kurim et Glatz. Puis, sous Ottokar II, Shrudim, Zaslo, Brudweis, Colin, etc. La gloire du prince, dit le margrave de Moravie, Vladislav Henri, rayonne d'une plus éclatante lumière s'il est entouré d'un nombre brillant de grandes villes. Sous Ottokar II, il y a en Bohême plus de 20 villes royales. Elles ne relèvent que du roi et de son sous-chambellan, jouissent d'une autonomie forte étendue, ont leur justice particulière et leurs coutumes, en général inspirées des coutumes de Magdebourg. Les décisions de diète ne s'appliquent pas à elles et les questions qui les intéressent sont réglées dans les assemblées particulières où ne paraissent que leurs mandataires. En même temps, les Franconiens, les Bavarois et les Saxons, après avoir atteint la limite géographique du pays, ont commencé à occuper le versant intérieur des montagnes et pénétrer dans la vallée supérieure de l'Elbe ou le bassin de l'Égère. Les Primislides accueillent les envahisseurs et mettent à leur service la puissance dont ils disposent. Pour exploiter les mines dont on a reconnu l'importance, ils appellent des étrangers. Les monts métalliques sont occupés par les Allemands et les villes d'Iglau, de Deutschbrode et de Kuttenberg sont entièrement allemandes. La frontière était jusqu'alors couverte de forêts impénétrables qui avaient plusieurs fois arrêté l'invasion et dont on avait interdit le défrichement. On livre aux étrangers ces terres, dont quelques-unes comptent parmi les meilleures de la Bohême. Pour attirer les colons, on les affranchit des corvées et des redevances les plus lourdes. On leur accorde une certaine autonomie, on leur reconnaît la propriété emphytéotique des champs qu'ils cultivent. Les régions de la mer du Nord, où vit avec peine une population trop dense et que désolent souvent de terribles cataclysmes, de l'intérieur de l'Allemagne, où suivit la guerre civile, les paysans accourent, séduits par l'appât d'une possession mieux établie, d'une vie plus tranquille et de champs vierges et fertiles. Les cercles de Trautnau, de Glatz, d'Elbogen, sont occupés par les Allemands. De même, au sud, les environs de Krumau et à l'est, la ligne des coteaux inclinés qui sépare la Moravie de la Bohême. Les écrivains germaniques célèbrent à l'envi les heureux résultats qu'entraîna pour les Slaves l'arrivée de ces étrangers, et il est certain qu'ils apportèrent des capitaux et des procédés perfectionnés. Grâce à eux, la richesse s'accrut, l'industrie et le commerce prirent un essor nouveau. Mais ces bienfaits furent chèrement achetés. Les nouveaux venus ne se mêlèrent pas au reste des habitants, restèrent comme campés en pays ennemis, constituèrent un état dans l'état. Tandis que dans les pays occidentaux, la bourgeoisie, intimement liée à la vie commune, a été un des grands éléments du progrès politique et moral, dans les pays slaves, elle fut surtout une cause de division et d'affluissement. Les progrès réalisés ne sont féconds que lorsqu'ils sont la conséquence naturelle du développement régulier du peuple. Trop hâtifs et artificiels, ils ne s'accomplissent qu'au détriment de l'unité nationale. Un abîme se creusa entre les classes supérieures, élevées à l'école de l'étranger, et le peuple, resté fidèle aux traditions indigènes. L'unité politique fut ainsi gravement atteinte, en même temps que les frontières étaient ouvertes à l'invasion et que la valeur morale de la nation s'affaiblissait, en haut par la corruption des mœurs, la légèreté et l'imitation béate des mœurs germaniques, en bas par la défiance et la jalousie. Pendant ce XIIIe siècle, qui est certainement une des époques les plus lamentables de l'histoire des Slaves, leur succès apparent se retourne contre eux, et les plus grands de leurs souverains sont ceux qui leur portent les coups les plus funestes. Ruine des anciennes institutions, la féodalité. Depuis longtemps, l'ancienne constitution menace ses ruines. L'arrivée en masse des Allemands en précipite la décadence, et sous Ottokar II, elle a en réalité cessé d'exister. À l'origine, le prince, représentant de la nation, étendait sa protection souveraine sur des sujets soumis aux mêmes devoirs et jouissant des mêmes droits. Désormais, les immunités et les usurpations ont constitué des classes distinctes qui, soustraites à l'autorité des officiers du pays et des tribunaux ordinaires, échappent au pouvoir des diètes. La féodalité se substitue au régime patriarcal et l'égalité primitive est remplacée par une hiérarchie compliquée. En même temps que la langue et les noms allemands, les seigneurs tchèques ont adopté les ambitions de la noblesse germanique et ses goûts d'insubordination. Ils ont leurs armoiries, leurs châteaux forts, leurs vassaux. Ils auront bientôt leurs serfs. Déjà, le servage commence à s'introduire en Moravie. Les anciens Zupans, non plus sous leurs ordres que la banlieue de leur forteresse, et le nom de Zhuka, qui rappelle l'ancienne division du pays, tombe peu à peu en désuétude. Le peuple n'a plus aucune influence dans les diètes, les petits propriétaires libres disparaissent rapidement. Les paysans, pour se soustraire aux corvées, dont le poids est d'autant plus lourd qu'une partie considérable de la population n'y est plus soumise, sollicitent le droit allemand et, s'ils obtiennent ainsi, moyennant une redevance déterminée, l'usufruit héréditaire des domaines qu'ils cultivent, ils consentent à une sorte de diminution civile et politique et deviennent les hommes du seigneur. Les progrès de la noblesse minaient l'autorité royale et Ottakar avait un trop réel esprit de gouvernement pour ne pas s'en apercevoir. Il chercha à contenir ses usurpations, reprit une partie des domaines enlevés à la couronne, s'efforça d'opposer aux grands une bourgeoisie riche et puissante. Malheureusement, il n'aperçut pas les causes profondes du mal, et ses mesures mal combinées en hâtèrent le développement. Il était impossible d'obtenir des nobles le respect des anciennes institutions, alors que le roi les ruinait lui-même par les faveurs inconsidérées qu'il prodiguait aux étrangers. En cherchant par une contradiction frappante à maintenir intacte l'ancienne royauté patriarcale, pendant que, d'autre part, il encourageait la naissance d'une société fondée sur des principes tous différents, il provoqua les rancunes de l'aristocratie et prépara de redoutables défections. La puissance d'un État n'est ferme et durable que si elle repose sur de solides institutions intérieures. Les derniers prémislides, comme tant de princes slaves à cette époque, avaient sacrifié la réalité à l'apparence. L'édifice qu'ils avaient construit ne reposait que sur la personne du prince, et il s'écroula au premier choc. La littérature. L'influence étrangère sur le développement intellectuel du pays n'est pas moins fâcheuse. Sans doute, les progrès de la richesse et du luxe, et les relations constantes avec l'Empire, en adoucissant les mœurs et en affinant les esprits, éveillent de nouveaux besoins et répandent le goût de l'étude. Mais la littérature s'éloigne des sources nationales, n'est plus qu'une distraction de grands seigneurs et n'a aucune action profonde sur le peuple. À l'origine, elle est purement ecclésiastique et latine. À peine quelques hymnes en langue tchèque rappellent-elles l'époque où les chrétiens de Bohême se rattachaient à l'église grecque. C'est en latin aussi que sont composées les premières chroniques. La première en date, celle du chanoine de Prague Cosmas, mort en 1125, reste longtemps la plus intéressante. Il est probable qu'à côté de cette littérature savante, se conservait une littérature populaire, chanson ou épopée. On a cru longtemps en trouver un écho dans les célèbres fragments connus sous le nom de manuscrits de Zelena Hora et de Kralove Dur. Par malheur, leur authenticité a été trop sérieusement contestée pour que la critique historique ne soit pas tenue de réserver son opinion sur leur date et leur valeur réelle. Il est certain, du moins, que, dès la fin du XIIIe siècle, la langue tchèque est assez développée pour que l'on essaye de traduire en bohème les plus célèbres des chansons de geste. Une Alexandréide, diverses épopées du cycle d'Arthur, à la fin du XIIIe ou au commencement du XIVe, peuvent, sans trop de désavantages, être comparées, au point de vue du style et de l'invention, à la plupart des adaptations allemandes. Ces traductions, qui correspondent au règne des derniers prémislides, marquent le moment où le goût étranger triomphe complètement des souvenirs slaves. Leur inspiration est purement chevaleresque et féodale, et cependant, elle marque aussi comme le premier éveil de la conscience nationale. Il y a déjà une sorte de résistance à l'étranger dans ce souci de la langue tchèque, et il correspond à un changement imprévu dans l'attitude des nobles. Inquiets de la puissance de la bourgeoisie, les seigneurs, par intérêt de caste, s'éloignent de l'Allemagne. La plus célèbre production de la période suivante, la chronique de Dalimil, sera nationale autant que féodale, et, inspirée par la réaction slave, en accroîtra la violence. Ottakar II et Rodolphe de Habsbourg. La politique intérieure d'Ottakar ne désarmait pas les rancunes germaniques. Il ne se souciait des rois des Romains que dans la mesure où il pouvait servir son ambition, et il mettait tous ses soins à prolonger un interrègne, grâce auquel il avait réuni à ses provinces héréditaires une grande partie du bassin moyen du Danube. L'Allemagne ne pouvait cependant abandonner définitivement cette marche de l'Est, qui lui ouvrait de si vastes perspectives, et elle sentait confusément que les garanties personnelles que lui offraient les sentiments des prémislides ne présentaient pour l'avenir qu'une caution très insuffisante. Il suffisait d'un hasard, trop facile à prévoir, d'un simple changement de dynastie ou d'un revirement dans les dispositions des souverains tchèques pour que l'Autriche, soumise à des maîtres slaves, fut perdue pour la race germanique et que l'avant-garde de l'Empire au sud fut retournée contre lui. Les guerres qui remplissent les règnes d'Ottakar, et en particulier celle qui amène sa chute, tirent de là un tout autre caractère que les conflits ordinaires de frontières ou de butins. Trois États se sont déjà constitués dans le bassin moyen du Danube. Il s'agit de savoir laquelle des trois races rivales, slaves, allemandes ou magyares, imposera aux deux autres sa prépondérance. La lutte se poursuivra pendant deux siècles avec de nombreuses alternatives. Mais dès le premier jour, le succès se dessine. Et la résistance héroïque des Tchèques ajournera mais n'empêchera pas leur défaite. L'Allemagne, au XIIIe siècle, était affaiblie par sa mauvaise constitution, mais elle n'était ni désarmée ni indifférente. Les succès d'Ottakar réveillèrent le sentiment germanique. Ce fut la nation qui força les princes à oublier leur querelle pour nommer un véritable empereur. Et ce fut elle qui le soutint ensuite dans ses revendications. Par une ironie singulière de la fortune, Ottakar succomba aux rancunes de ses Allemands qui avaient trouvé en lui un protecteur constant. Rodolphe de Habsbourg, élu roi des Romains en 1273, ouvrit aussitôt la lutte. Ottakar, abandonné au moment décisif par la plus grande partie de sa noblesse, subit un traité désastreux par lequel il ne conservait que la Bohême et la Moravie, qu'il recevait en fief du roi des Romains. Il comptait bien avoir sa revanche et Rodolphe voulait pousser son succès jusqu'au bout. Les circonstances revinrent bientôt plus favorables à Ottakar. Les princes allemands s'inquiétaient des projets de Rodolphe. La Styrie et l'Autriche regrettaient leur ancien maître. Quelques-uns des chefs polonais s'effrayaient de la chute de la Bohême qui, comme leur écrivait Ottakar, formait une muraille protectrice contre l'ambition insatiable de l'Allemagne. Malheureusement, Ottakar, au lieu de pousser vivement son adversaire, lui permit d'attendre l'arrivée des Hongrois que lui amenait le roi Ladislas. Comme à presque toutes les heures décisives de l'histoire, l'Allemagne dut sa victoire à l'alliance des Magyars, plus jaloux des Slaves que soucieux de l'avenir. Bataille de Dürrenkrut, chute de la Bohême, 1278. La bataille s'engagea sur les bords de la Morava, le 26 août 1278. Déjà, le centre de Rodolphe était enfoncé par la grosse cavalerie tchèque. Une charge de la réserve eut décidé de la victoire. Le grand chambellan de Moravie, qui la commandait, Milota de Dieditz, tourna bride et prit la fuite. Ottakar, désespéré, se rua dans les rangs allemands, et après avoir combattu avec le cœur d'un géant et comme un lion indomptable, fut traîtreusement assassiné par un chevalier autrichien, Berthold d'Emmenberg. Rodolphe de Habsbourg était libre d'exécuter ses plans. Le royaume tchèque fut morcelé. Albert d'Autriche, le fils de Rodolphe, reçut l'Autriche, la Styrie et la Carniole, 1283. La Carinthie revint au comte de Tyrol, Maynard. Quant à la Bohême, après une minorité troublée par des querelles civiles, elle retrouva quelques années de gloire avec Venceslas II. Mais la dynastie des Prémislides s'éteignit bientôt, 1306, et alors s'ouvrit une longue période de guerre intestine et de révolution. Depuis le XIVe siècle, les Tchèques ont presque toujours été gouvernés par des dynasties étrangères. Aussi ont-ils conservé comme une involontaire tendresse pour les souverains qui ont présidé à la formation de leur nationalité. Cette indulgence est peut-être plus juste que la sévérité de certains écrivains modernes. De grandes fautes avaient été commises, les frontières abandonnées à l'ennemi, les villes occupées par une bourgeoisie étrangère, et le royaume, ainsi atteint dans ses forces vives, ne pouvait plus être ce boulevard des Slaves occidentaux dont parlait Ottakar. Du moins, il avait conservé son indépendance politique. La domination impériale, réduite à une vague suzeraineté, ne présentait plus de sérieux dangers. L'imprévoyance des Prémislides s'explique d'ailleurs par le prestige qu'exerçait naturellement la civilisation plus avancée de l'Allemagne et par l'indifférence d'un patriotisme qui, comme partout, ne s'éveilla qu'en présence du péril et au contact de l'ennemi. La postérité, sans oublier les désastreux effets de l'imprudence d'Ottakar, voit plutôt en lui une victime qu'un coupable, et se souvient surtout de ses malheurs et de l'héroïsme par lesquels il a expié ses erreurs. Fin de la section 70.